contre ceux qui ont le goût difficile. Fable 1 du livre 2e des fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Contre ceux qui ont le goût difficile. Quand j'aurai en naissant reçu de Calliope les dons qu'à ses amants cette muse a promis, je les consacrerai au mensonge d'Ésope. Le mensonge et les vers de tout temps sont amis. Mais je ne me crois pas si chéri du Parnasse que de savoir orner toutes ces fictions. On peut donner du lustre à leurs inventions. On le peut, je l'essaie. Un plus savant le fasse. Cependant, jusqu'ici, d'un langage nouveau, j'ai fait parler le loup et répondre l'agneau. J'ai passé plus avant. Les arbres et les plantes sont devenus chez moi créatures parlantes. Qui ne prendrait ceci pour un enchantement? Vraiment, me diront nos critiques, vous parlez magnifiquement, de 5 à 6 contes d'enfants. Censeur, en voulez-vous qui soit plus authentique et d'un style plus haut? En voici. Les Troyens, après 10 ans de guerre autour de leurs murailles, avaient lassé les Grecs qui, par 1000 moyens, par 1000 assauts, par 100 batailles, n'avaient pu mettre à bout cette fière cité. Quand un cheval de bois par Minerve inventé, d'un rare et nouvel artifice, dans ses énormes flancs reçut le sage Ulysse, le vaillant Diomède, Ajax l'impétueux, que ce colosse monstrueux, avec leurs escadrons, devait porter dans Troie, livrant à leur fureur ces dieux mêmes en proie. Stratagème inouï, qui, des fabricateurs, paya la constance et la peine. C'est assez, me dira quelqu'un de nos auteurs. La période est longue, il faut reprendre haleine. Et puis votre cheval de bois, vos héros avec leurs phalanges, ce sont des contes plus étranges qu'un renard qui cajole un corbeau sur sa voie. De plus, il vaut si mal d'écrire en si hostile. Eh bien, baissons d'un ton. La jalouse Amarille songeait à son Alcippe et croyait de ses soins n'avoir que ses moutons et son chien pour témoins. Tircis, qui l'aperçut, se glisse entre des saules. Il entend la bergère adressant ses paroles aux doux zéphyrs et le priant de les porter à son amant. « Je vous arrête à cette rime, » dira mon censeur à l'instant. « Je ne la tiens pas légitime, ni d'une assez grande vertu. Remettez pour le mieux ces deux vers à la fonte. Maudit censeur, te tairas-tu? Ne saurais-je achever mon compte? C'est un dessein très dangereux que d'entreprendre de te plaire. Les délicats sont malheureux, rien ne saurait les satisfaire. » Fin de « Contre ceux qui ont le goût difficile », fable 1 du livre 2e des fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Conseil tenu par les rats. Fable 2 du livre 2e des fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Conseil tenu par les rats. Un chat, nommé Rodilardus, faisait de rats telle déconfiture que l'on n'en voyait presque plus tant il en avait mis dedans la sépulture. Le peu qui en restait, n'osant quitter son trou, ne trouvait à manger que le quart de son sou. Et Rodilard passait chez la gente misérable, non pour un chat, mais pour un diable. Or un jour qu'au haut et au loin, le galant alla chercher sa femme, pendant tout le sabbat qu'il fit avec sa dame, le demeurant des rats tint chapitre en un coin sur la nécessité présente. Dès l'abord, leur doyen, personne fort prudente, opina qu'il fallait, et plutôt que plus tard, attacher un grelot au cou de Rodilard. Qu'ainsi, quand il irait en guerre, de sa marche avertie, il s'enfuirait sous terre. Qu'il n'y savait que ce moyen.

ou bien je ne suis pas belette. Pardonnez-moi, dit la pauvrette, ce n'est pas ma profession. Moi, souris, des méchants vous ont dit ces nouvelles. Grâce à l'auteur de l'univers, je suis oiseau. Voyez mes ailes. Vive la gent qui fend les airs. Sa raison plut et sembla bonne. Elle fait si bien qu'on lui donne liberté de se retirer. Deux jours après, notre étourdi aveuglément va se fourrer chez une autre belette aux oiseaux ennemis. La voilà de rechef en danger de sa vie. La dame du logis, avec son long museau, s'en allait la croquer en qualité d'oiseau, quand elle protesta qu'on lui faisait outrage. « Moi, pour-t-elle passer? Vous n'y regardez pas. Qui fait l'oiseau? C'est le plumage. Je suis souris. Vive les rats! Jupiter confonde les chats. » Par cette adroite repartie, elle sauva deux fois sa vie. Plusieurs se sont trouvés qui, d'écharpe changeant, au danger, ainsi qu'elle, ont souvent fait la figue. Le sage dit, selon les gens, « Vive le roi, vive la ligue !» Fin de « La chauve-souris et les deux belettes » Fable 5e du livre 2e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. L'oiseau blessé d'une flèche. Fable 6 du livre 2e des Fables de Jean de La Fontaine. Une œuvre vocale de Jean Lambert pour LibriVox.org. L'oiseau blessé d'une flèche. Mortellement atteint d'une flèche empennée, un oiseau déplorait sa triste destinée et disait, en souffrant un surcroît de douleur, « Faut-il contribuer à son propre malheur? Cruels humains, vous tirez de nos ailes de quoi faire voler ces machines mortelles. Mais ne vous moquez point, engeance sans pitié. Souvent, il vous arrive un sort comme le nôtre. Des enfants de Japet, toujours une moitié, fournira des armes à l'autre. » Fin de « L'oiseau blessé d'une flèche ». Fable 6e du livre 2e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. La Lys et sa compagne. Fable 7 du livre 2e des Fables de Jean de La Fontaine. Une œuvre vocale de Jean Lambert pour LibriVox.org. La Lys et sa compagne. Une lys étant sur son terme, et ne sachant où mettre un fardeau si pressant, fait si bien qu'à la fin sa compagne consent de lui prêter sa hutte où la lys s'enferme. Au bout de quelque temps, sa compagne revient. La lys lui demande encore une quinzaine. Ses petits ne marchaient, disait-elle, qu'à peine. Pour faire court, elle l'obtient. Ce second terme échu, l'hôte lui redemande sa maison, sa chambre, son lit. La lys cette fois montre les dents et dit « Je suis prête à sortir avec toute ma bande, si vous pouvez nous mettre dehors. » Ses enfants étaient déjà forts. Ce qu'on donne aux méchants, toujours on le regrette. Pour tirer d'eux ce qu'on leur prête, il faut que l'on en vienne au coup. Il faut plaider, il faut combattre. Laissez-leur prendre un pied chez vous, ils en auront bientôt pris quatre. Fin de La Lys et sa compagne. Fable 7e du livre 2 des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'aigle et l'escarbot. Fable 8 du livre 2e des Fables de Jean de La Fontaine. Un oral de Jean Lambert pour LibriVox.org. L'aigle et l'escarbot. L'aigle donnait la chasse à maître Jean Lapin, qui droit à son terrier s'enfuyait au plus vite. Le trou de l'escarbot se rencontre en chemin.